Audiomatique. We'll be right back. En ouverture de cette transmission 2-1-4 d'Audiomatique, nous vous présentions la pièce « Overstay », interprétée par l'artiste français Chris Joss et qui est extraite de son album « No Play, No Work ». Le beat, les rythmes, les sons, les percussions, les mélodies, les voix, le chant, quand tout s'assemble en composition musicale, cela donne ceci. Por el arrabal, sueles por la oscuridad. Save ourselves and drink from deeper wells. A hatred tells me our invader is trying to escape. A fight for just a lifetime, count the moments, let's be so alive. I cry as time goes by. Ladies and gentlemen, lights are going out. Step aside and watch the city sleep. And watch the city sleep. À Audiomatic, nous venons d'entendre la formation suédoise Covenant et la pièce Greater Than the Sun. C'est tiré de leur album Sky Shaper, sorti en 2006. Avant Covenant, c'était le groupe Future Trail et leur pièce Patience, parue sur le second album Breaking New Ground. Et on amorçait la séquence avec la formation péruvienne Elegante y la Imperial et sa pièce Batichelas qu'on retrouve sur le tout nouvel album intitulé Evolution. Pour poursuivre musicalement à Audiomatic, voici le quatuor américain Fast Planet. if I can see if there's no hope for me now. Thank you. Yeah, music. Music. Without the barriers. Beat your fucking ass. Pour clore cette séquence musicale à Audiomatique, nous vous avons offert le projet américain Saltillo, mené par Menton J. Matthews III. Nous avons pu entendre sa composition Backyard Pond, tirée de l'album Ganglion. Précédemment à Saltillo, il s'agissait du projet canadien Maki et la pièce For Pepecito, à laquelle collabore le bassiste Taylor Savy et actuel quartet. On retrouve cette pièce sur son album Saskamaudi. Et pour débuter, vous avez entendu le quatuor américain Fast Planet et la chanson I Want Out de leur album Jess. À Audiomatique, le projet Blank Mass nous propose sa version de la pièce Remurdered, originellement composée par Mogwai. Un duo originaire de Portland en Oregon concluait cette séquence musicale de deux pièces avec Dance Part 3, une composition se trouvant sur leur album Circles, sorti en 2012. Et on amorçait la séquence avec Mogwai et la pièce Re-Re-Murdered, qui est en fait une version remixée que nous offre le projet Blank Mass de la pièce Re-Murdered, parue à l'origine sur l'album Rave Tapes. Le remix que nous avons entendu paraît sur le mini-album intitulé Music Industry 3, Fitness Industry 1. Celui-ci est sorti en 2014. Nous mettrons un terme à cette transmission 214 d'Audiomatic avec le groupe Cymbals Eat Guitars et leur pièce Rifle Eyesight Proper Name qui ouvre leur deuxième album Lenses Alien. Ainsi donc se terminera dans quelques instants cette transmission dans la seule optique de permettre l'ouverture de la transmission 215 qui se matérialisera mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Entre ces deux moments, que sont la fin de la présente transmission et le début de la prochaine, vous pouvez combler le vide en allant redécouvrir nos anciennes transmissions archivées dans les univers numériques et accessibles notamment à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU. Voici Cymbals Eat Guitars avec la pièce Rifle Eyesight Proper Name. C'était Audiomatique avec les électronistes. So I feel the head I'm coming. Body overpass, rifle I saw was lying low in the high grass. The empty skull of milky cataracts pill. Ripping the men swimming inside the train. The trails of children exposed the distortion tone. His brother to swell and lets his air begin. Got blood correct. Something pulled me back. The preacher fixed her kidless grin. Stay soon, one drug to run past. Scrub the bottom. that's lament, babe.